Soleil Kanyang. Samedi 11 mars, Madame, Monsieur, bonjour, voici les grands titres de cette édition. Le directeur de la prison de Bubanza est locataire de la prison centrale d'Omhimba depuis lundi de cette semaine. Signature d'un accord d'échange de main d'œuvre entre le Burundi et le Qatar, annonce du chef de l'État ce vendredi de retour de Doha. Et c'est en marge de la 5e conférence de l'ONU sur les pays les moins avancés. Au nord Kivu, en République démocratique du Congo, les déplacements massifs des populations inquiètent le Haut-Commissariat pour les réfugiés. Près de 300 000 personnes durant le seul mois de février. Vous l'entendrez dans cette édition, mise en onde par Chancela Mugisha Wimana. Rebonjour et bienvenue. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Page justice, et pour débuter cette édition, le directeur de la prison centrale de Bubanza dans la province de Bubanza est en prison depuis le 6 mars. Émile Ndouayo avait comparu lundi de cette semaine au parquet général de Bujumbura et après interrogatoire, il a été embarqué vers la prison centrale de Mhimba où il est détenu jusqu'à présent. Il est accusé de complicité de désertion d'un prisonnier qui venait de passer plusieurs années en détention. Ce prisonnier avait demandé autorisation de sortir comme d'habitude et après un moment, le policier qui le gardait serait revenu à la prison. Selon nos sources, il a déposé son fusil. Il a également déposé ses tenues policières. Aujourd'hui, les deux, le prisonnier et le policier, restent sans nouvelles selon les sources proches de la prison de Bubanza. Poursuivons cette édition. Par la page agriculture, le gouvernement est au courant du manque de semences sélectionnées du haricot et est en train d'y remédier. Réponse du ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage ce vendredi, alors que la population évoquait ce problème dans une réunion pour parler de leurs préoccupations. Le ministre Sanctus Niragira parlait de plus de 200 tonnes en cours de route, même si la saison culturelle B affiche en retard. Le point avec Apollinaire Muzagara. Dans cette réunion, les participants ont salué la disponibilisation à temps de semences de maïs de bonne qualité, mais déplorent que celles du haricot font toujours défaut, car le prix des semences de cette culture au marché est actuellement à 4000 francs, voire plus. Ces représentants de la population d'Ongozi demandent par conséquent au gouvernement de faire de même pour le haricot, afin d'en avoir à un prix abordable. Le ministre en charge de l'agriculture indique que le gouvernement y a pensé à temps et a envoyé des experts en Ouganda et en Tanzanie, mais ils ont trouvé des semences de mauvaise qualité pour la seconde fois. Ils ont enfin trouvé des semences de haricots de bonne qualité en Ouganda. Le gouvernement, via son ministère, a alors fait, selon le ministre Santus Nilagira, une commande de 210 tonnes qui sont pour le moment en cours de route, d'où la raison de ce retard. Le ministre de l'Environnement, Agriculture et Élevage tranquillise la population que des projets macro ayant pour but une nette augmentation de la production agricole sont en cours. Il donne l'exemple des agro qui seront implantés dans les provinces à commencer bientôt par Karusi et Chibitoke dans le périmètre dit Lugofa. Donc aussi, Apone Muzagara, Radio Isanganiro. Merci Apollinaire Muzagara. La forte chaleur que l'on ressent aujourd'hui est due au déplacement du soleil d'un hémisphère vers un autre et il est au-dessus de l'équateur. Explication du directeur général de l'Institut géographique du Burundi, GEBU, Augustin Genzirabona. Parle d'un phénomène très normal et il informe en outre que la pluie va tomber de façon normale. On l'écoute. Ce qu'on peut qualifier de forte chaleur que l'on observe actuellement, c'est un phénomène vraiment qui est très normal puisque normalement il y a un balancement du soleil entre les tropiques. Maintenant le soleil est au-dessus de l'équateur parce qu'il est en train de passer l'équateur pour aller dans l'autre hémisphère, donc de l'hémisphère sud vers l'hémisphère nord pour accompagner la fin de la saison pêche ici au Burundi, ou saison B. D'après nos prévisions, nous remarquons que la pluie va tomber de façon normale parce que selon nos prévisions faites avec la sous-région des pays de la Grande Corne d'Afrique, 11 pays qui ont travaillé sur la prévision de la saison B, nous aurons des précipitations comprises entre 50 et 100 mm dans les régions de Kirimiro et une partie du Mosso et une partie du Buragane. Nous aurons aussi des des pluies qui sont comprises entre 100 mm et 200 mm dans les régions de Mugamba et Migwa. Là où on pourra observer des précipitations au-dessus de la normale, c'est au sud d'Orimbo, une partie du Mosso et du Buragane, et aussi au nord-est du pays. Augustin Ngenzirabona, directeur général de l'IGBU, des sons que nous devons à la radio nationale. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Page santé à 13h02 dans le studio de la radio Isanganiro. Le système d'alerte dans la collecte du sang qui sera bientôt utilisé permettra de recevoir des informations à tout moment sur la quantité de sang disponible dans les stocks. Isaac Minani, directeur technique du CNTS, explique que ce système va faciliter le suivi des stocks de sang. Il a dit ce vendredi lors de la célébration de la journée mondiale de don du sang célébré le 10 mars de chaque année. On l'écoute au micro de Jean-Marie Mayong. Cela va permettre de suivre, comme ils ont dit, le stock de sang au milieu périphérique, bien au niveau des banques de sang ou des hôpitaux. Vous avez vu que si le sang diminue au sein de l'hôpital et que les gens sont connectés à cette application, ça lance déjà le message d'alerte. Et ce message d'alerte arrive chez tout le monde. Donc, quand on va voir ce message d'alerte, certainement qu'on va y répondre et rendre disponible le plus rapidement possible ce sang. L'hémorragie chez les femmes enceintes fait partie des causes les plus importantes de la mortalité maternelle. Ce qui devrait être fait, c'est d'abord rendre disponible le sang. Comment rendre disponible le sang? Il faut l'intervention, bien entendu, du CNTS, mais aussi de tous les partenaires. Quand je parle des partenaires, c'est Pathfinder, des partenaires financiers, mais aussi des partenaires techniques. Les gens qui doivent aller sur le terrain et mobiliser pour que les gens puissent répondre à notre appel. Parlons coopération à présent. Le Burundi et le Qatar ont signé un accord d'échange de main d'œuvre, annoncé du chef de l'État, Evariste Ndayishimiye, ce vendredi de retour de Doha au Qatar, où il a participé dans une conférence des chefs d'État des pays les moins avancés. Dans une conférence de presse à l'aéroport international Melchior Ndadaye, le président de la République a indiqué que le Burundi compte signer d'autres accords de coopération avec le gouvernement du Qatar en rapport avec le développement. Page internationale sans transition dans la province du Nord Kivu, en République démocratique du Congo. La situation sécuritaire et humanitaire est toujours alarmante. Le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés se dit alarmé par les déplacements massifs des populations. Rien qu'au mois de février, près de 300 000 personnes ont fui les territoires de Rutshuru et de Masisi dans la province du Nord Kivu. Selon l'Agence des Nations Unies basée à Genève, repris par actualité.cd. Et selon la BBC Afrique, l'ancien premier ministre sénégalais, Cheikh Hadji Bou Soumaré, est libéré et placé sous contrôle judiciaire. Récemment, dans une lettre ouverte adressée au président sénégalais Macky Sall, il a interpellé ce dernier sur des allégations de versement d'un montant de près de 8 milliards de francs CFA en faveur d'une personnalité politique française. Voilà, 13h04 dans les studios de la radio Isanganiro. Ça s'achève cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également à Chancellor Mugisha Wimana qui a assuré la mise en onde tout de suite la revue de la presse.